Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Et puis on vous le disait, nous allons maintenant jouer à notre jeu qui s'appelle Vraie Histoire du Pipo. Et nous allons commencer avec Xavier. Donc si vous venez de nous rejoindre ou que vous êtes sur le Facebook de l'émission, le but est très simple. J'ai demandé à chacun des chroniqueurs d'écrire deux histoires, une qui est vraie, une qui est fausse. Et nous allons devoir deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. On va pouvoir poser des questions, mais on laisse chacun réciter ces deux histoires d'affilée. Donc on marque bien la première, marque bien la deuxième. Bien entendu. Xavier, on t'écoute. Alors pour ma part, c'est moi, en fait, je me suis mis dedans. En fait, j'étais avec des amis, hein, j'étais à une fête chez moi. Faux, t'as pas d'amis. Bref, j'avais des potes, si vous voulez, qui étaient à la maison. On avait fait une soirée tente. Et puis à un moment, on avait bu quelques verres, hein. Mais on s'est baladé sur la route dans mon village. Et à un certain moment, on s'est arrêté sur une maison en particulier où il y avait une personne qui était morte, donc qui ne vivait plus là. Donc justement, c'était dans point de vue, c'était encore en train de faire les papiers. Donc la maison n'était pas encore vendue. Et on a vu une personne en haut. Non mais attends. Toi tu devrais écrire des histoires. Ouais, c'est fou hein, ça. Non mais il y avait une personne à l'étage du dessus qui ne bougeait pas. Et puis on s'est regardé. Elle nous a regardé. Bon, je l'ai regardé. Puis on a continué notre chemin. Puis sérieusement, personnellement, avec un ami, on a voulu y retourner voir. Et il n'y avait plus personne. Oui. Donc ça c'était ta première. Ça c'est ma première. Attends, on peut déjà poser les questions comme ça on ne s'embrouille pas sur les histoires. Quel était le prénom de ton ami? Attends, non c'était Clément. D'accord, voilà. Ouais. Est-ce que tu fais souvent des soirées dehors? Non, c'était. Ils avaient fait les fous. Ils t'avais quel âge? Bah il y a 2 ans. Ah ouais. Et c'était une tente. C'était quelle marque ta tente? Bah qu'est-ce que je sais, maman. Quelque chose. Non, il y a pas de marque, c'est une tente. Une tente, on en a qu'une mon père. D'accord. Et il était quelle heure plus ou moins? Oh, 2-3 heures du matin. Ok, bah écoute, moi je donne mon premier avis. Ta première histoire est la fausse. On va entendre la deuxième, mais on verra bien. Parce que je te connais et t'as du mal à inventer des trucs. Ouais. Et là, c'était pas bien inventé. D'accord. Alors la deuxième, c'est la suivante. J'étais donc avec mon cousin chez lui. Donc il habite, pour savoir, dans les Ardennes, hein, à Palisole. Et j'étais chez lui. Et puis à un moment, on était à notre téléphone, on se dit bonne nuit. Hein. Et puis. Allez, au revoir. Et puis à un moment, on était tout seul dans la maison. À un moment, on n'entendait pas dans le couloir. Bon, on se lève pour voir quand même. Enfin, on allume la lampe et il y avait personne puisque ses parents étaient partis en vacances. On retourne donc dans la chambre. On essaie de redormir et une heure plus tard seulement, le téléphone sonne. Voilà, comme ça. C'est un téléphone fixe donc il est en bas. On descend. Enfin, il descend surtout. Et il décroche et il n'y a personne qui répond. Et il raccroche et puis il n'y a plus eu rien après. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'était ta deuxième histoire. C'était ma deuxième histoire. On va demander l'avis à chacun. On va d'abord demander à Romain. En plus, bon, nous deux, on va dire qu'on le connaît un petit peu plus, Xavier. Donc moi, par exemple, là, je sais laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Ah bah, tu peux peut-être te tromper. Oui, mais on va demander l'avis de Romain. Pour toi, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Bah, honnêtement, la première, il y a plus de détails. Attention que je le redis qu'il pouvait mettre de faux détails et tout ça. Hein. Okay. Donc c'est vraiment, on peut aller très loin dans l'invention. J'opterais plutôt, bizarrement, enfin voilà, pour moi, la deuxième. La deuxième est la fausse parce que... Ah, la deuxième est la fausse pour toi. Pour d'accord. Moi, la deuxième est la fausse. Donc c'est la première qui bonne. Ouais, parce que c'est tellement gros, c'est un truc digne d'un film en fait. Ok, maintenant, d'accord. Ça peut être... Très vite, Jérém, ton avis. Laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Moi je dirais la première est la vraie. La première est la vraie? Ouais. Ok, clair. Mais moi en fait, quand t'as raconté ta deuxième histoire, tu m'as regardé dans les yeux, mais avec beaucoup de sincérité, je trouve. Ah. Donc pour moi, la deuxième est la vraie, la première est la fausse. Anaïs? Moi je dirais la deuxième. Et même fils qui est avec nous? Moi je dirais la première. Ah. Alors, attends. Et toi tu dirais? Roulement de tambour. T'as dit quoi la deuxième? Moi je dis que la première est la vraie. D'accord. Et quelle est la réponse? La première est la vraie. Ah, je le savais. J'avoue. Il me semblait bien. Tu m'as regardé avec tellement sincère. Il me semblait bien. Faire des soirées tentes, voilà, c'était ça la clé. Une soirée tente. Je te connais, ça m'étonne même pas que tu fasses des soirées tentes. Je suis sûr, il y avait du kidibule, tous les trucs comme ça, tu connais ça. Non. Allez, kidibule. On va passer à Claire, okay, qui va nous expliquer donner ces deux histoires. Bon, on va essayer d'un peu moins déranger les histoires, hein, parce qu'on a été un petit peu salaud avec Xavier. Claire, on t'écoute. Alors moi, ma première histoire, c'est un homme qui prend, donc qui est sur la route et qui va prendre quelqu'un en voiture, donc un autostoppeur. Donc l'homme semble un peu bizarre, mais il est plutôt agréable, il discute pendant plus d'une heure et d'un coup, l'homme se met à respirer très fort et finit par hurler en regardant le conducteur dans les yeux. Donc après, le gars hurle, et puis d'un coup, pouf, il disparaît. Et en fait, il s'est avéré que donc il y avait personne d'autre avec le conducteur. C'est le conducteur qui a raconté cette histoire. Et donc en fait le gars. Oh mais pas des bruits comme ça. Et donc après le gars il s'est un peu renseigné et ben il s'est avéré que l'homme qui était dans sa voiture est mort sur cette route là. Ah. Et donc ben c'est ça qu'il a hurlé et puis qu'il a disparu. C'est un peu comme la Dame Blanche. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu comme la Dame Blanche. Ça ressemble fort à l'histoire de la Dame Blanche. C'est un peu comme la Dame Blanche, mais sur cette route là, effectivement, quoi. Le gars a Max, arrête tes conneries. Sur cette route là, effectivement, ben ce gars a eu et c'est le seul homme. Max, s'il te plaît, tu arrêtes tes conneries. J'arrête, vas-y. C'est la seule personne qui a eu cette aventure-là. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, c'est l'histoire de cet homme. Et voilà. Voilà. Ça, allez, deuxième histoire. Ma deuxième histoire, c'est en fait des jeunes qui se sont retrouvés autour d'une table chez l'un d'entre eux afin de contacter les morts. Ils ont voulu rentrer en contact avec la grand-mère disparue de l'un d'eux. Donc, ils étaient 4 ou 5. Donc, pendant la séance, il ne s'est rien passé. Donc, ils avaient une table de Ouija, mais il ne s'est rien passé du tout. Mais c'est seulement quelques jours après où ils ont fait ça dans la maison d'un des gars, je crois que je l'avais précisé. Et donc, quelques jours après, le fils était tout seul dans la maison et il a commencé à entendre des bruits dans la cuisine. Donc il s'est dit, bah, tiens, ma mère est rentrée un peu plus tôt que prévu, donc voilà, il se pose pas trop de questions. Et 15 minutes après, ben là, il y a sa mère qui, pour lui, re-rentre. Donc il décide de descendre, et il lui dit, oui, t'es rentrée il y a un quart d'heure, enfin, je comprends pas. Et sa mère lui dit, non, je viens seulement de rentrer là maintenant. Et donc c'est vraiment la seule chose qui s'est passée après leur séance de spiritisme. Mmh. Voilà. Bah écoute, on va demander l'avis à Xavier. Ouf. Moi, je crois que je sais. Moi aussi, je pense. Parce que moi, il y a un truc qui m'a semblé bizarre, c'est que la vraie histoire, tu regardais tout le temps ta feuille pour lire, et la deuxième, tu regardais moins ta feuille. Moi, justement, je dis l'inverse. Enfin, ta feuille 2.0, ton iPad. Moi, je suis sûr que le deuxième est la fausse, et tu l'as inventée, et tu t'en souviens. Ouais, je pense moi, aussi, je pense l'inverse, justement, parce qu'elle connaît la vraie, et donc. Enfin, maintenant, honnêtement, quand elle a raconté la première, moi j'ai pensé que la première, elle avait romantisé en fait à sa sauce la Dame Blanche. Ouais, donc, moi voilà. Aussi, c'est pour ça que j'ai regardé. Et puis ensuite, elle a lu la deuxième, et là je me dis, à mon avis, la deuxième est fausse parce qu'elle regardait beaucoup plus. Moi j'irais justement la deuxième. Moi. La deuxième. Ouais, pareil que moi. Jérém. Deuxième. La deuxième est la vraie. Oui, deuxième est la vraie. Verdict. Alors, la deuxième est la vraie, c'est ce qui s'est passé avec mon cousin. C'est mon cousin, quand il était plus jeune, qui a fait ça dans la maison de ses parents. Ouais. Et en fait, c'était des bruits de vaisselle. Il a entendu de la vaisselle qui... sa chambre, il a entendu de la vaisselle qui se frottait, enfin, comme quand on fait la vaisselle. Ouais. Il a entendu ça et c'est vraiment la seule chose qui s'est passée. Et voilà. Merci Romain. Eh ben, écoute, je propose qu'on continue avec Anaïs et puis on fera une pause avec Angel. Et puis ce sera... autour de Jérémy et au mien, on t'écoute. Alors, un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est là, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il propose de dormir au même endroit que la veille, donc dans le sofa. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort, donc elle est morte dans son immeuble par son conjoint. D'accord. Donc ça, c'était la première histoire d'Anaïs. Là, c'est plus compliqué que les autres, je trouve. Ouais. On est parti pour la deuxième. En février 2013, une histoire pour le moins étrange est arrivée à Elisa. Alors, cette dernière a été retrouvée morte, son corps flottant dans le mini château d'eau situé sur les toits de l'hôtel. Alors, elle a été retrouvée quelques jours après son décès, puisque les clients de l'hôtel se plaignaient du goût bizarre de l'eau. Mais là n'est pas le plus mystérieux. Son corps a en effet été retrouvé sans aucune trace de mutilation ni drogue, et le couvercle du château d'eau était fermé, comme s'il n'avait jamais été ouvert. L'endroit était impossible d'accès, protégé par une alarme, une porte très lourde, et le réservoir était entouré de murs très hauts. Tellement difficile d'accès que la police a dû envoyer plusieurs hommes pour ouvrir la porte et sortir le corps. Comment donc Elisa s'est-elle retrouvée à cet endroit ? Une vidéo récupérée par la police montre la jeune fille dans un ascenseur quelques minutes avant sa mort. Moi je sais. Moi aussi. Moi je pense savoir. Moi aussi. Ouais. Allez, on va demander l'avis à Memphis. Pour moi c'est la deuxième qui est vraie. J'ai déjà entendu cette histoire. Ah. Pareil, la deuxième. Attention, j'ai peut-être changé des détails. Ouais, ouais. Parce que mes deux histoires viennent du net. Ouais. Mais t'as changé des détails. Je dirais plus la deuxième est vraie. Ok, Jérém. Moi, je dirais plus la première. La première, ok, Romain. La deuxième est vraie parce qu'effectivement, elle a changé blindée de. Si, en tout cas, c'est ça. Elle a changé blindée d'informations. Mais je pense que c'est la deuxième qui est vraie. Ok, alors, Xavier. Moi, la première, je dirais. La première. Et la réponse ? Eh ben, c'est la deuxième, mais j'ai pas changé d'info, j'ai juste raccourci. Ah ben voilà. Ben, écoute. La deuxième qui est vraie, donc. Franchement, la deuxième est vraie, ouais. Mais t'as changé deux infos. J'espère qu'on va pas venir toquer chez toi au soir. Hein. Non, moi, parce que quand j'ai peur, moi, ça m'arrive de pleurer, hein, vraiment. Et j'ai super peur parce que j'ai vu la vidéo, c'était une youtubeuse qui parlait de cette histoire-là. Ah, mais moi, j'ai même pas vu la vidéo. Et on voit. Je te jure, parce que non, parce que elle parle de cette vidéo là, et moi j'ai vu la fille dans l'ascenseur et elle a un comportement très très bizarre. Ouais. Comme si on l'agressait, comme si elle cherchait après quelque chose. C'est une des histoires qui m'a fait le plus peur parce que vraiment tu vois les caméras de surveillance dans l'ascenseur et tu vois la fille commence à vraiment faire des choses super bizarres. Quoi. Et le lendemain matin, on a retrouvé le corps effectivement dans la cuve de l'hôtel et les clients se plaignaient d'un goût bizarre de l'eau. Bah, et c'était impossible. Et c'était impossible qu'elle soit y soit allée d'elle-même. Puisque c'était d'une lourdeur, c'est techniquement impossible et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec cette fille-là, mais elle a un comportement tellement bizarre dans l'ascenseur. On dirait que la fille est en toi là. Insoutenable de voir cette vidéo-là. Ce soir, hashtag est en mode paranormal. Et oui, ce lundi, émission spéciale paranormal. Nous allons continuer le tour de nos histoires, vraies histoires ou du pipo. Et il ne reste plus que Jérém qui a récupéré un micro. Hop, on lui allume son micro. Ouais. On t'entend bien cette fois. Bah là, je m'entends mieux. Ah, donc Jérém, c'est parti, on t'écoute. Commence à nous raconter tes histoires. Ben écoute, je vais déjà te dire, l'histoire elle commence donc le 18 septembre. Hein. Alors on va l'appeler Mika parce qu'il écoute l'émission actuellement, il veut pas se faire reconnaître, donc c'est un nom d'emprunt. C'est bon, ton truc s'est grillé, mec. Alors je t'explique. Non, non, mais sérieux, tu verras. Donc il retrouve sa petite amie qui s'appelle Claire, qui est avec sa nouvelle caméra dans la maison. Et ça vient. Ils viennent de Charleroi, de la banlieue de Charleroi. Ah, mais je te. De la banlieue de Charleroi. Ouais, ils viennent près de chez toi peut-être. Il y a pas de banlieue à Charleroi. Ah si, il y en a une. Si, si. C'est vrai, attends, dans les bas de Charleroi. Ça commence déjà super bien. Alors, ah non, attends, en fait, il habite pas la banlieue de Charleroi. Alors, Claire, elle prétend qu'une présence surnaturelle la hante depuis son enfance et estime que ça la suit jusqu'à leur nouvelle maison qu'ils ont achetée. Chaque nuit, Mika, il monte dans la chambre et pour être sûr et certain qu'il n'y a rien. Et il va installer une genre de. Tu vois les caméras que tu mets au plafond. De surveillance. Ouais, tu vois les caméras comme on a ici, tu vois. Il va la mettre au plafond pour être sûr et pour lui montrer, mais non, je te jure, il n'y a rien. Et donc, chaque nuit, il fait ça. Donc, durant la première nuit, les seules choses qui se produisent sont juste des bruits, mais ils disent oui, comme il y a des charpentes au-dessus, c'est juste peut-être des souris ou un truc du style. Voilà. La deuxième nuit, il y a des rugissements qui se font entendre et il y a une porte qui bouge en bas. Donc, du coup, ils descendent, mais. Il voit rien. Donc durant les autres nuits, il se passe énormément de choses, mais bon, ça va, il n'y a pas encore trop de trucs, avec juste un lustre qui a balancé dans leur maison. Ça va quoi. C'est tout. Enfin, un lustre, enfin, genre une lampe. C'est banal quoi. Voilà. C'est tous les jours. Ouais. Voilà. Il y avait une vague un peu trop forte. Et donc après plus d'une semaine sans activité, durant la nuit, Claire, elle se fait réveiller par un bruit sourd et qui la réveille. Et par la suite, c'est Mika qui se réveille justement. Parce que justement, il l'a entendu. Et donc, il décide d'aller chercher l'origine de ce bruit. Un cri strident se fait entendre. Apeurée, Claire, elle rejoint son petit ami qui descend au rez-de-chaussée pour aller voir un peu ce qui se passe. Et elle y voit rien, mais toujours cette lampe qui va toujours se balancer. Là, tu es en train de nous lire un livre là. Tu sais que je suis complètement perdu dans ton histoire. Moi. Non, mais tu vas voir. Et donc, la nuit qui suit celle d'avant, justement, le couple s'est réveillé par des bruits, et voilà. Et alors, la dernière nuit, Mika est retrouvé mort sur son lit, justement. Pauvre Mika. Donc voilà. Donc c'était ta première histoire. Ça, c'est la première histoire. Qui était la fausse. En gros, Mika est mort. Ouais, mais parce que c'est pas bizarre. C'est lui qui t'a envoyé l'histoire. Parce que si tu dis ça, c'est un de mes c'est amis. Tu dis ça qui est cool. Ouais, tu dis ça un pote à toi maintenant qu'il est mort. Bah quoi, il est mort. Il écoute de l'au-delà, c'est ça. Non, c'est pas si je peux nous commenter ta deuxième. Jérémy, c'est un clin d'œil à paranormal. Tu t'imagines, ça va loin les ondes. Les ondes, elles vont loin. Allez, continue. À l'âge de 16 ans, Lisa, c'est une fille que je connais aussi. Elle a fait sa maline à vouloir faire du spiritisme avec des potes à elle. Évidemment, elle avait pas lu partout qu'il fallait pas rigoler avec ça, mais ses préventions ne lui ont pas fait peur. Hein, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés, ses potes et elle, un samedi soir autour d'une planche de Ouija, et a invoqué les morts. Elle a prié alors pour que ça soit sa grand-mère maternelle qui vienne et qui se retrouve pour être sûr et certain que c'est son nom, et elle prie juste pour que ça soit ça, pardon. Elle se souvient lui avoir demandé si tout allait bien, si elle était heureuse là où elle était, et si elle voulait lui dire quelque chose. À chaque fois, le verre se dirigeait paisiblement, vers le oui. Alors assez naturellement, elle lui a demandé si elle pouvait partager ses informations, voilà, avec sa mère. Et là, le verre s'est dirigé vers d'une force incroyable vers le non. Et elle m'a dit qu'elle lui avait demandé, ça a un peu bougé, et puis s'est retourné vers le non, puis encore un peu de mouvement, puis de nouveau vers le non. Alors après ça, elle a demandé de quoi elle voulait lui parler. Et là, en un coup, la bougie, elle s'est allumée, puis elle s'est éclairée, puis elle est blindée, puis elle s'est éteinte d'un coup. Et voilà. Non. Ah, mais, écoute, attends, moi je pense qu'on peut déjà donner notre avis, non? T'es sûr? Parce qu'elles sont très longues, tes histoires. Non, bah celle-là, elle se finit dans deux secondes. Ah bah vas-y. Ça va? Ah, donc à ce moment-là, hein, ils ont tous eu vraiment peur, ils ont hurlé, ils ont arrêté le truc, enfin voilà, un truc de malade. Puis elle m'a confié au moment où j'ai écrit ça, donc la semaine passée, la suite des événements. Donc la nuit suivante, elle a dormi chez une amie, elle était morte de trouille et elle s'est réveillée plusieurs fois en ayant l'impression de, justement de voir sa grand-mère au pied de son lit. Donc du coup, elle a fait, bah, c'est bizarre, tu vois. Et alors, le lendemain, au réveil, bah, elle a reçu plusieurs appels manqués durant la nuit de sa maman. Et sa mère lui a envoyé finalement un SMS pour lui dire que sa tante était morte. Donc, tout voilà, ça, encore une histoire de tante, quoi. Très joyeux. Donc, voilà. Très bizarre, mais je pense que c'est la deuxième quand même. Ouais. Ah ouais. Moi je sais pas, parce que tu dis que t'as écrit ça il y a quelques semaines, alors que je vous ai demandé d'écrire ça il y a 4 jours, il y a 5 jours. Mais non, quoi. Je l'ai dit il y a une semaine. Ouais. Mais je sais pas. Moi je l'ai raté. En fait, je me suis perdu dans les deux. Moi. Est-ce que c'est pas voulu justement que vous vous perdiez? Non, ouais. Non, ce qui est hyper bizarre, c'est que tu dis c'est un de mes amis. Ouais, puis il est mort. Et puis il est mort. Mika. Et il nous écoute là. Bah oui, il vous écoute. Moi je pense que honnêtement, la deuxième est vraie. Ouais. La première est fausse, tout simplement parce que j'ai rien calé de la première. Donc je me suis dit, à mon avis, il y a trop de couillonnettes, ouais, qui ça. Sont mises ensemble. Et la deuxième, là, j'ai suivi et je me dis, il y a 2-3 trucs quand même qui peuvent être vrais, qui peut-être se sont déjà passés. Maintenant, 2-3 trucs romantisés. Moi, je vais dire que Anaïs la première nous envoie par SMS, la première est fausse. Moi, je dis la première est vraie. Je joue le truc, la première est vraie. Et verdict. Et verdict. C'est la deuxième qui est vraie. Ah, mais ah, ça va, voilà. C'est bon. La première, j'ai juste essayé de remettre à ma sauce par un normal activity. On l'a vu. J'ai juste essayé de remettre à ma sauce par un normal activity. Tu vois, c'est le premier par un normal activity. T'as sauce, mais vie comme non. Ta sauce était. Je t'en fous, genre, c'est un signe là, il écrit Mika, tu vois. Juste sur le micro. Mika, ah oui. Arrête de me montrer. Elle me montre la vitre à côté. C'est bon, allez, c'est à moi de vous lire mes histoires. Il y en a une qui est un petit peu plus longue que l'autre, mais c'est pas grave, je vais commencer par la plus courte. Alors, tout se déroule dans une maison abandonnée en Australie, ça se passe en 2015 dans la ville de Canberra. Trois jeunes décident de visiter la Ascot House, l'une des plus grosses maisons hantées du pays. Et alors qu'ils visitent la grosse bâtisse datant d'il y a plusieurs siècles, ils entendent un énorme bruit sourd. Un des jeunes le plus âgé, nommé Aiden, je sais pas comment on prononce ça là-bas, décide de monter à l'étage et vérifier s'ils sont bien seuls dans cette maison. Donc voilà, quand on fait du urbex, des fois on entend des bruits, il y en a qui préfèrent aller voir, d'autres un peu moins. Et alors là, il ouvre une première porte qui fait énormément de bruit comme dans les vieilles maisons, vous savez. Voilà. S'il y en a qui veulent faire les bruitages derrière, vous pouvez. Mais à la fois. Alors là, il voit une pièce vide, bien évidemment rongée par le temps, il ne reste plus rien dedans, abîmée par le temps et l'humidité. Il ne trouve rien dans cette pièce, il décide donc de descendre rejoindre ses amis, mais quand il arrive en bas de l'escalier, il ne voit plus personne. Ses deux amis avaient disparu et l'histoire a beaucoup fait parler d'elle, et il y a notamment eu un reportage qui retrace cette histoire, et ça a été diffusé sur ABC News en 2016. ne regardez pas maintenant parce qu'on va lire d'abord la deuxième. Comme par mais voilà, il y a le reportage qui retrace cette histoire, c'est Aiden dans la Ascot House. Alors, l'histoire suivante, c'est l'histoire d'Elisabeth. Une fois avec des amis, elle a fait une séance de Ouija chez elle avec sa mère et elles avaient fabriqué elles-mêmes, donc avec une feuille, avec un truc, donc c'est très facile à faire soi-même. Et elles sortent, elles sont en gros des grandes fans du paranormal et elles adorent se faire un peu peur. Et c'est pas la première fois qu'elles y jouaient et à chaque fois, hormis le verre qui tourne en rond sur la planche, rien de bien méchant se passe. Ayant une grande confiance l'une en l'autre, elles savaient déjà que le mouvement du verre ne venait pas l'une de l'autre, quoi. C'était vrai, elles se connaissent, il n'y en a pas une qui rigole avec ça. En soi, c'est déjà flippant, mais pour elles, rien de compliqué, de différent par rapport aux autres fois où elles ont déjà fait du paranormal. Normalement, pour se terminer la séance, Romain, tu me diras si je me trompe, mais il faut briser le culot du verre. Ah ouais, c'est possible. Tu me diras. Hein. Ouais. Et ce qu'elles ont fait à chaque fois, mais ce jour-là, elles ont mal cassé le verre et le culot ne s'est pas cassé. Elles n'ont pas prêté plus attention que ça. Un peu plus tard dans la soirée, son amie a commencé à se comporter bizarrement. Elle fixait les murs, elle se tapait la tête toute seule en disant des trucs louches comme je dois le faire et le regard intense qui va avec. Puis, au bout d'un moment, elle va dans la cuisine et attrape un long couteau et revient vers son amie en jouant avec. Et elle le lançait en l'air, elle le faisait tourner sur la table basse. Enfin, elle devenait complètement folle. Elle croyait qu'elle leur faisait une blague, mais elle n'était pas super rassurée. Elle et sa mère. Ouais, non, avec un... Alors elles essayaient de lui faire comprendre, mais elle continuait ses comportements bizarres, elle jouait avec les couteaux, elle se sentait vraiment pas bien, elle disait n'importe quoi. Autre truc qui s'est passé, c'est quand elle l'appelait par son prénom, elle leur répondait « Ce n'est pas mon prénom, celle que vous cherchiez n'est pas là, ce n'est pas elle qui parle. » À partir de là, Elisabeth a vraiment flippé et elle ne savait absolument pas quoi faire. Ça a continué pendant une heure et elle a fini par leur dire qu'elle était fatiguée, elle est partie se coucher. Une demi-heure plus tard, elle l'a entendu appeler sa mère. Donc la copine de sa mère, elle a appelé Donc moi je suis la fille qui raconte l'histoire. Elle a appelé sa mère. Elle était couchée dans son lit complètement perdue. Elle ne se souvenait de rien. Elle ne comprenait pas comment elle avait atterri dans ce lit parce qu'elle se souvient pas y être allée. Elle était totalement paniquée. Elles n'ont jamais su ce qu'il s'était réellement passé et ne veulent plus le savoir. Et elles n'ont plus jamais joué avec une planche de Ouija. Alors laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? C'est difficile parce qu'elles sont bien construites toutes les deux. Ouais. Ça m'a fait peur. Moi je dis que la première est fausse. Moi je dis la deuxième est vraie. La deuxième est vraie. Moi je suis d'accord. La deuxième est vraie. La deuxième est vraie. Parce que t'es à fond dans la description pour essayer de nous noyer, mais je pense que la deuxième même est vraie. Il a précisé parce que la première qu'on pouvait aller vérifier. Ouais. Ouais, bah la deuxième, vous pouvez aller vérifier aussi. Hein. Je pense. La deuxième est vraie. La deuxième est vraie, donc celle avec Elisabeth. Ouais, non, à l'unanimité, non. Il y en a un qui a dit. T'as dit la première, toi. La deuxième est vraie. La deuxième est vraie. Pour qui vote pour la deuxième? Ouais. Bah, ok, à l'unanimité. La première est vraie. On est dans la merde, hein, si jamais c'est pas le cas. Attention. Mais bonne réponse. Yeah. Effectivement, donc la première réponse de l'ami Max. Et... la première était donc une histoire que j'ai inventée de toute pièce. Elle était bien, mon histoire, si Ah oui. Ouais. Bof. Tout le monde n'est pas convaincu. Non, moi j'ai bien. Non, c'était bien. Ouais.